نوفق الطبي أبدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي نقصان الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. Ensuite, l'autorité commence le premier vers par Alhamd. Alhamd, donc, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de le décrire par une description de perfection, mahabbatun wa ta'dima, par amour et par vénération. Musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. بعد الحمد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة عند الملائكة الأعلى كما ثبت ذلك في البخاري قاله أبو العالية رحمه الله. Donc ensuite, il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous dit que Allah et ses anges prient sur le prophète, provoquer avec eux, prier sur lui et saluer. Donc ici, nous avons la prière d'Allah, la prière des anges et la prière des serviteurs. La prière d'Allah, c'est le fait que Allah, tabaraka wa ta'ala, invoque ou bien alors vante les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Comme cela est rapporté par Abu al-Aliya rahimahullah dans le Bukhari. Et les anges voient un istighfar, c'est-à-dire ils demandent pardon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, c'est des invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وصلي على محمد خير نبي أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي كما قال الناظم هنا بل هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل البشر على الإطلاق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام ينهى أن يفضله الناس على سائر الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين الأنبياء لا تخيروني بين الأنبياء. ولكن ثبت الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل البشر ومما يدل على ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي اختص الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحيث لا يقبلها أحد من الأنبياء سواه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل. وصفه الناظم هنا بالنبوة فقال خير نبي أرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وهو كذلك رسول ونبي وكذلك رسول. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع يعني مؤكد لشريعة سبقت. النبي هو الذي لم يوحى إليه بشرع الجنس وأوحي إليه بشرع من سبق. أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع الجنس، والكل مأمور بالتبليغ، الكل مأمور أن يبلغ ما أوحي إليه إلى الله تبارك وتعالى. Donc ensuite, il nous dit Mohammed, Mu'akhir Nabi Rusla, le meilleur prophète qui a été envoyé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur prophète, le meilleur messager, le meilleur homme, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, je suis le maître des hommes, et sans me vanter. Donc le meilleur homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait créé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs hommes, de manière générale, sont les prophètes. Il n'y a personne au-dessus des prophètes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Mais malgré cela, vous trouvez dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par modestie, il disait « La tukhayyiruni li man anbiya », c'est-à-dire « Ne dites pas que je suis meilleur que les autres prophètes. » Pas que je suis meilleur que les autres prophètes. Également, il disait la tout forme d'Eloni à la Yulsa ibn Manta. Ne pensez pas que je suis meilleur, que ne me préférez pas à Yunus ibn Manta, alayhi salam. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur homme que Allah tabaraka wa ta'ala créé dans le Coran wa la fa'ala kadikak. Et ce qui prouve cela également, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recevra Yawm al-Qiyam. Lorsqu'il intercédera pour tous les hommes, alors que les autres prophètes refuseront de le faire. Donc ici, il nous a dit créer les nabiyyin ursila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est nabi, c'est-à-dire prophète, et également rasul, messager. Et dans le Coran et dans les textes de la sunna, vous trouverez souvent parfois nabi, et parfois vous trouverez rasul. Et il faut essayer de comprendre la différence entre les deux. Donc ces deux mots ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, on a un salam et pas de l'Ikamadrasoul et de la Nabi. Ils ne vont pas envoyer un emploi de messager ni de prophète. Ce qui prouve qu'il y a une différence entre les deux mots. La différence entre les deux mots est que le prophète est celui donc qui reçoit une révélation, mais cette révélation n'est pas pour une nouvelle. Religion, mais pas pour une nouvelle religion, mais pour appuyer une religion passée, comme l'ont fait les prophètes de Bani Israël. Donc ils sont tous venus un après l'autre pour renforcer le message de Moussa alayhi salam. Contrairement aux prophètes à qui il est révélé une religion nouvelle. Une religion nouvelle, pas nouvelle dans la croyance, car tous les prophètes ont la même croyance, le fait d'appeler Allah Azzawajal à son adoration seule, mais dans les législations. Et le prophète comme le messager, donc, il aurait ordonné de transmettre le message. Car souvent, vous trouverez dans certaines définitions un nabi, alladhi uhiya ilayhi wa lam yu'mar bi tabliyh. Donc il lui est révélé, donc la révélation, mais il ne lui est pas ordonné de transmettre. Donc ça, certains savants disent cela, mais ce n'est pas la meilleure définition, car si les gens de science n'avaient pas ordonné de transmettre ce qu'ils ont pu apprendre, comment le prophète a plus forte raison. Donc la vraie différence entre les deux, c'est donc ce que l'on vient de citer, le fait que le prophète, donc, il lui est révélé une religion donc appuyant un message précédent. Créer la vie pour Sila. Alhamdulillahi, ou Abdelou Bilhamdi Moussoli Yalala, Alhamdulillahi, créer la vie pour Sila. L'alif, l'alif, l'alif, الأصل يقول أرسل بالفتحة فقط، الآن يقول أرسل sallam. La nabi sallam. Tu sallam bi alifi al-idlaq. Tu sallam bi alifi al-idlaq. Wa yu'tabia kathiran fi al-shir. Al-shir li al-jani al-ni al-wazi. وألف الإطلاق هذه موجودة في القرآن موجودة في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى وتظنون بالله الظنون بالألف وتظنون بالله الظنون وقال تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا هذا هو ألف الإطلاق Donc le alif que vous trouvez à la fin du vers, c'est ce que l'on appelle alif al-itlaq, afin justement qu'il y ait la rime. Alors, donc il y a eu un ala, et donc il rajoute un alif à la fin pour que la rime soit bonne entre les deux parties du vers. C'est pour ça qu'il dit aussi la. Donc ça s'appelle alif al-itlaq. ثم قال وفيه نقص هذه الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة وذي هذه اسم إشارة بمعنى هذه والمؤلف رحمه الله يشير إلى شيء في ذهنه في عقله وإلا لم يكتب شيئا ذاته كما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا غير فيه ذلك اسم إشارة للآية ولكن لم وأول آية تقريبا في كتاب الله الإنسان يأتي بهذا حتى يكون القارئ متشوفا لما سيأتي بعد ذلك وكتاب الله ويأتي في ce que l'on appelle اسم الإشارة pour montrer quelque chose. C'est comme « Hada »,« Nadihi »,« Tilka »,« Dhalika »,« Dhi », etc. « Wa dhi naqsan al-hadith ya'idda » Voilà les très nombreuses sortes de hadith que nous allons vous présenter dans ce poème. Donc le Tarakumarama, il va nous montrer les différentes sorte de hadith dans ce coin. « Wadi min aqsami al-hadith yaita » Le Mu'allif rahimahullah lam yadhkur fi nazmihi hadha kulla anwa' al-hadith ma dhakara 32 naw'an 32 naw'an wa hunaka ma dhakara akthara min dhalik يعني الكتاب الذي هو العمدة في هذا الفن مقدمة ابن الصلاح ذكر ابن الصلاح رحمه الله 64 نوعا 64 نوعا بالأمثلة أما الذي لم يذكر يعني أمثلة في منظومته دونك لوتور لا با نو سيتي توت لي سورت دو حديث يعني سيتي كالكو سورت سي بور سا كي دي مين من أقسام الحديث عدة. Donc du fait que c'est un poème et donc il va nous citer 32 sortes de hadith. 32 sortes de hadith. Et donc d'autres auteurs ont cité beaucoup plus. Comme l'imam Ibn Salah rahimahullah, dont le livre est vraiment le livre le plus important dans cette science, Muqaddimat Ibn Salah, il a cité 64 types de hadith avec des définitions, avec des exemples de manière beaucoup plus précise. وَذِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ عِدَّةٌ عِدَّةٌ مَنَا كَثِيرًا كَثِيرًا جِدًّا عِدَّةٌ مَنَا كَثِيرًا وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّى يعني كل واحد من هذه الأقسام أتى يعني سيأتي أتى بمعنى سيأتي وحده ومع تعريفه. وكل واحد أتى وحده، كل نوع من هذه الأنواع سيأتي مع تعريفه. فمنظومة الإيقوني عبارة عن نوع من أنواع الحديث ثم تعريفه فقط، يعني لا يذكر مثالا ولا شروطا، يعني إلا في القلب. Donc il nous dit ensuite que le wahid, chaque type de hadith à venir, ainsi que sa définition. Le had, comme on l'a dit, le had, le mudo, le had, ça veut dire la définition. Donc le mudo, c'est un poème dans lequel vous trouverez les différentes sortes de hadith, le nom plus sa définition. Le nom plus sa définition. C'est très rare que l'auteur, à l'heure, cite des conditions, contrairement donc à d'autres livres. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقضه. أولها الصحيح. أول نوع من أنواع الحديث هو الحديث الصحيح. قدمه المؤلف رحمه الله تشريفا له لأنه أعلى أنواع الحديث، لأنه هو الذي يقبله المحدثون ويعملون به. فعلماء رحمه الله قسموا الحديث إلى مقبول ومردود. المقبول نوعان، الصحيح والحسن. المقبول نوعان، الصحيح والحسن الذي سيأتي. والمردود هو الحديث الضعيف. المردود هو الحديث الضعيف، وهو أنواع عدة. أنواع الحديث الضعيف كثيرة، فكل نوع حسب سبب الضعف يأخذ اسما خاصا. إن كان الانقطاع في بداية السند يأخذ اسما، إن كان الانقطاع في آخر السند يأخذ اسما آخر، إن كان الانقطاع براويين فأكثر يأخذ اسما آخر، إن كان الضعف بسبب تدليس يأخذ اسما آخر. فأنواع الحديث الضعيف هي الكثيرة. Donc les savants du hadith, ils ont divisé les hadiths en deux sortes. مقبول، c'est-à-dire les hadiths acceptés, et les hadiths rejetés, مردود. Les مقبول sont divisés en deux sortes. الصحيح والحسن. الصحيح والحسن. Donc صحيح que l'on voit maintenant, et الحسن c'est le cinquième verbe. والحسن معروف معروف طرقا وغلط. Donc le صحيح والحسن ce sont les hadiths acceptés par les savants du hadith. Et ensuite nous avons le mardoud, le hadith rejeté qui est le hadith faible. Et dans le hadith faible vous trouverez beaucoup de sens. Donc en fonction de la cause de faiblesse du hadith, le hadith il prendra un nom bien précis. Si, par exemple, vous trouverez coupure dans la chaîne de transmission, si la coupure est au début de la chaîne de transmission, il y aura un nom précis. Si c'est à la fin, il y aura un nom précis. S'il y a une seule personne qui manque, ça aura un nom précis. S'il y en a deux, ça aura un nom précis. S'il y en a plus, ça aura un nom précis. Si le hadith est faible à cause d'une, ce qu'on appelle tadlis, par exemple, la tromperie, ça aura un nom précis. Si c'est lié à un mensonge, ça aura un nom précis. Le hadith faible possède de très très nombreuses sortes. Donc vous allez voir dans le poème. l'auteur est fait As-Sahih, ensuite Hassan, ensuite il passe tout de suite au Daif et toutes ses sœurs. إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه ضعيف ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الصحيح في اللغة العربية هو ضد المريض فلان صحيح وفلان مريض وفي اصطلاح المحدثين وما ذكره رحمه الله وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله أما ما ذكره معتمد في ضبطه ونقله فهذا لتكميل البيت ليس من تعريف الحديث الصحيح دونك الصحيح رابعا سي لانفيرس دو المريض المريض ولا المريض الصحيح سي سيلي كي ان بون سونتي Et dans la science du hadith, c'est ce qu'a cité l'auteur Ali Rahullah, ce qu'il a dit Awwal wa sahih huwa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ad yarwihi 'anullah bitun 'an mithlih. Donc, ça c'est la définition du hadith sahih authentique. Ce qu'il a cité à la fin, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, c'est pour finir le verbe. Souvent dans les poèmes, surtout dans les romans, vous trouverez ce que l'on appelle le hashim. C'est des choses que l'auteur y rajoute en plus pour finir le verbe. Ça, c'est pas forcément, ça ne contient pas forcément une définition de condition, mais c'est rajouté par l'auteur afin de finir le verbe. Donc le verbe, il faut respecter un certain wazn, des rimes, etc. Donc parfois, l'auteur il est amené à rajouter certaines choses. Donc il dit أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ذكر هنا خمسة شروط. ذكر خمسة شروط. نسطرها في السطور. الصحيح وهو ما اتصل اسناده دونك اتصال السند اسناده ولم يشذ او يعد القلو من الشذوذ أو يعاد الخلو من العلة يرويه عدل العدالة يرويه عدل ضابط الضبط هذه هي شروط الحديث الصحيح الشرط الأول اتصال السند قوله من الشذوذ في قوله ولم يشذ الخلو من ليلى في قوله أو يعلم العدالة في قوله يرويه عنكم الضبط في قوله ضابط الشرط الأول هو اتصال السند الاتصال نردنا عليه أن يروي كل راوي عن من سمعه بطريق معتبر من طرق التحمل كأن يكون سمع من شيخه أو قرأ عليه الحديث أو غير ذلك من طرق التحمل هذا هو الاتصال أن يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن فوقه فأي نوع من أنواع الانقطاع يكون سبباً لتضعيف الحديث أي حديث يوجد فيه انقطاع بين الراوي ومن فوقه فهو حديث ضعيف فمثلاً الحديث المنقطع والحديث المرسل والحديث المدلس والمعضل والمعلق كل هذه الأنواع من أنواع الحديث الضعيف بسبب عدم الاتصال. Donc la première condition, اتصال السند. Ce qu'on appelle donc, il faut que la chaîne de transmission soit liée. C'est ça. C'est-à-dire que chaque homme que vous voyez dans la chaîne de transmission, il faut qu'il rapporte une personne dont il a entendu le hadith. C'est ce que l'on appelle l'ittisal. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans la chaîne de transmission. Donc toute coupure dans la chaîne de transmission est cause de. Est cause rendant le hadith faible. Toute coupure. À partir du moment où on a un narrateur, et celui qui est cité juste après, il y a une coupure entre les deux, soit une coupure. Alors, comment connaître la coupure? Par exemple, un tel ne fait pas partie de ses chouïs. Ou bien, ils vivent dans deux pays très éloignés. Ou bien, entre les deux, il y a 200 ans. Toutes les coupures sont cause de l'affaiblissement des hadiths. Que la coupure est liée au début de la chaîne de transmission, à la fin, en plein milieu. Tout ce que l'on appelle hadith muqatta', comme on va le voir, ou bien mursal, ou bien mu'tal, ou bien mu'allaq, tous ces hadiths sont des hadiths faibles. Et pour qu'ils se renforcent, il faut forcément qu'on réussisse à savoir quelle est la personne qui manque dans la chaîne de transmission afin qu'il y ait. Qu'il y ait justement la liaison de cette chaîne. C'est clair ça? أول ما صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشتد أو يعلم. هذا هو الشرط الثاني الخلو من الشذوذ. والشاذ هو ما يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه هذا هو الشاذ الشاذ ظاهر الإسناد الصحة هو الإسناد فترى أنه حديث صحيح لا إشكال فيه ولكن إذا جمعت هذا الحديث بكل طرقه ستجد أن هناك مخالفة قد يكون الشذوذ في الإسناد وقد يكون في المتن فمثلا في الإسناد مثلا كل الرواة مثلا كل التلاميذ الإمام مالك رحمه الله ذكروا أنه سمع هذا الحديث من مالك. فيأتي تلميذ واحد مثلا فيقول أن هذا الحديث ليس عن مالك إنما هو مثلا الزهد مثلا نفس الحديث. فهنا المحدثون يقولون أن هذا أخطأ، يعني كل التلاميذ ذكروا أن هذا الحديث من حديث مالك وهو خالف من هو أوثق منه لأنه أكثر عددا منه. وقد تكون مخالفة بين رجلين ويكون أحدهما أضغط من الثاني فيحكم لحديث المخالفة بالشذوذ. وكالشاذ سي سكو لون أبال أن الحديث dans lequel il y a une مخالفة، c'est-à-dire une erreur. Une erreur que l'on peut connaître en comparant cela à d'autres hadiths. Cette erreur peut avoir lieu dans la chaîne de transmission comme elle peut avoir lieu dans le texte prophétique. Dans la chaîne de transmission, par exemple, on va trouver un cheikh qui a beaucoup d'élèves. Par exemple, Al-Imam Malik, tous ses élèves, ils rapportent qu'ils ont entendu ce hadith de lui. Tous ils disent Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Un, il vient, il récite le même hadith, mais il cite un autre chiffre. Les savants, ils viennent, ils disent, un tel, il s'est trompé. Pourquoi? Car tous les autres, ils ont dit que ce hadith était un malik. C'est des choses qui arrivent. Le hadith, même l'imam, il n'a pas de la l'akhra. Il n'y a aucun hadith sans que certaines erreurs soient glissées dans son hadith, sans exception. Et donc ça, c'est le chemin. Parfois, il se peut que l'erreur soit de 1 par rapport à un groupe. Il se peut que l'erreur soit de 1 par rapport à un autre. Mais ce second, ou à droite, il maîtrise mieux le hadith que lui. Donc, les savants disent que le premier, ou à chef. Le problème avec chef, c'est que si tu te contentes de le prendre seul comme hadith, tu as l'impression que le hadith est authentique, il n'y a aucun problème, la chaîne de transmission est authentique. Mais lorsque tu réunis toutes les chaînes de transmission, tu te rends compte que c'est trompé. Parfois, chef, comme on a dit, peut être dans le texte. C'est-à-dire, on a un texte, la chaîne de transmission est authentique, mais ce hadith va à l'encontre d'un autre hadith, plus authentique que lui. Plus authentique que lui. Et on ne peut pas les réunir. On ne peut pas les réunir. À ce moment-là, les savants, ils statuent que le hadith est chien, c'est dans lequel il y a une erreur. À la salle de Nithen, chez Sahih Muslim, et le même aussi, Mohammed, Zakara, Salat al-Khusuf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وذكر عدة روايات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركوعات. بأربع ركوعات في كل ركعة ركوعا. هذا هو المشهور ولد أهل البخاري. ثم ذكر يعني روايات أخرى فيها ست ركوعات وفيها ثمان ركوعات. وهذه الأسانيد ظاهر الصحة. ولكن العلماء حكموا على هذه الروايات بالشذوذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم عندما توفي أبوه إبراهيم رضي الله عنه. فلا يمكن لنا أن نجمع. لا بد أن نحكم على بعض الأحاديث بالشذوذ. أبو الذي فعله العلماء رحمه الله حكموا على التجويع التي فيها أكثر من ركوعان بالشذوذ. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين. فيفهم من هذا الحديث ان الصيام في شعبان جائز الى قضي رمضان بيوم او يومين. ومن هذا كثير من العلماء حكم على هذا الحديث كذلك بالشذوذ. فالشذوذ سي بالغرق سي سي دون الحديث. C'est l'exemple de la transmission, il se peut également sur un texte. Dans le texte, par exemple, une erreur entre deux hadiths, et on ne peut pas les réunir. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam obéissait dans sa mosquée plusieurs hadiths, il y a plusieurs versions du hadith dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Et donc il y a le hadith qui est connu, qui est dans le Bukhari, qui est dans le Bukhari, qui est dans le Bukhari, et dans chaque raka'at, il y avait deux inclinaisons, le Qur'an. Ensuite, il y a aussi dans le Roma, il y a aussi d'autres versions où il y a six inclinaisons, huit inclinaisons. Le problème ici, c'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur le Bukhari qu'une seule fois dans sa vie. S'il a fait ça plusieurs fois, on aurait pu très bien. Parfois il a pris deux, parfois il a pris, ne pas faire pris quatre, parfois six, parfois. Le problème, c'est qu'elle a fait cela qu'une seule fois dans sa vie. Donc les savants ont été obligés de statuer sur certains hadiths qui sont chaises. C'est-à-dire, la chaise de construction est authentique, mais ça va en contradiction avec d'autres hadiths plus authentiques encore. Donc ils ont statué que le plus authentique est avec quatre inclinaisons, c'est-à-dire deux inclinaisons par un quart. Pareil pour le hadith. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Lorsque Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Ce hadith, pareil, si on regarde la chaîne de transmission, on pourrait penser que c'est authentique. À part que même, il y a un homme qui s'appelle l'Amal ibn Abdurrahman qui est seul à avoir apporté ce hadith. Et en plus de cela, le hadith est en contradiction avec un hadith plus authentique dans les deux sahihs où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas précéder Ramadan d'un jeûne de un ou deux jours. » Donc on comprend de cela qu'il est permis de jeûner dans la deuxième moitié de Sha'ban, à condition de ne pas jeûner donc un ou deux jours avant. Donc c'est pour ça que certains hadithis ont statué que ce hadith est également chaise. Sinon, chèvre, c'est une sorte de hadith faible. Donc, à l'aide de la chèvre, il y a tout, بِمُخَلَفَةِ الْحَدِيثِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرَرِ. On prend un ballon. Il y a tout le monde. فَيَتِي حَدِيثُ وَيُخَالِفُ ذَلِكِ فَيَحْكُمُ الْمُحَدِيثُونَ بِنَ الشُّرُوطِ وَإِذَا فَتَشْتَرَ تَجِدُوا شِيئًا فِي لِسَانِ. مثلا جاء في البخاري ان الله تبارك وتعالى اذا ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يبقى في النار فضل عن من دخلها من الدنيا يعني بقي في النار متسع. Allah عز وجل أدخل أهل النار وبقي متسع في النار. وقد وعد الله تبارك وتعالى الجنة والنار بملئهما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ففي الحديث أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. ينشئ الله أقواما، أن يخلق الله أقواما ويدخلهم النار. العلماء رحمهم الله حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، والصحيح أنه للجنة، أنه يبقى في الجنة فضل عما دخلها من الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ما المشكلة في الرواية الأولى؟ هنا في ظل، يعني الله عز وجل يخلق خلقا يعني ما عملوا شيئا في الدنيا، ما اختبروا، ثم يدخلهم النار لاجل يعني املاء نار جهنم. هذا في ظل، لهذا حكم العلماء بالشذوذ. وهناك كذلك يعني شيء في الاسلام، يعني احد الرواة اختلط عليه الحديث. دونك également parmi les choses, lorsque le hadith vient à l'encontre de ce qui est connu de tous, donc une chose connue de tous les musulmans, du premier jusqu'au dernier, hommes, femmes, les gens instruits comme les gens non instruits, un hadith vient et il nous cite une chose contraire à cela. Les savants, ils savent que ce hadith est chahid. Par exemple, nous avons un hadith dans le Bukhari, même si la version authentique est également citée dans le Bukhari, où il est dit que Allah est zahir, parce qu'il aura fait rentrer les habitants de l'enfer en enfer, il restera de la place. Et Allah donc créera des créatures qui feront entrer en enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis au paradis comme à l'enfer de les remplir. De les remplir. Le paradis qu'on va faire sera rempli. Et donc, les savants ont dit ce hadith des chefs. Car tout le monde sait que Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste. Et donc, ici, Allah crée des créatures qui font entrer en enfer pour remplir l'enfer. Et donc, la version authentique, c'est la même chose avec le paradis. C'est-à-dire, il restera un paradis, donc, une. La place, et on a créé des créatures qui feront entrer au paradis. Donc, un des narrateurs s'est trompé. Et grâce à cette erreur, ils ont pu savoir de donner l'erreur et de quel narrateur. Chef, c'est clair. الصحيح وهو من تصان إسلامه ولم يشد أو يعرف الخلو من العلة. العلة في اللغة العربية بمعنى المريض، المرض. فلان به علة، فلان به مرض. فلان عالي بمعنى مريض. العلة هو الشفاء العالي. كتب يسمى بالشفاء العلي. والعلة هو سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. دونك العلة il ne faut pas qu'il y ait de choses ni de l'île. La troisième condition. Elle est là, donc c'est une cause cachée. Une cause cachée, ramène, non claire à tout le monde, remettant en cause l'authenticité du hadith. Et ce hadith, son aspect apparent, sa chaîne de transmission, c'est qu'il est authentique. Donc ça, c'est partie des choses les plus subtiles dans la science du hadith, ce que l'on appelle la ilah. Les savants, les hadithis, Ils nous parlent d'un hadith qui d'apparence est authentique et ils te disent « Anoraïf ». Donc, toi, avec tes petites connaissances, tu ne comprends pas forcément. Tu ne comprends pas forcément. On te dira d'un hadith « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Et c'est pour ça que vous trouvez également que les savants qui ont parlé sur cela sont très très peu nombreux. Les savants qui citent des ilas au hadith sont très peu nombreux. Le hadith, il y en a énormément dans l'histoire. Mais ceux vraiment qui ont parlé dans cette science, al-ni'aim ou al-ilal, ils sont très très peu nombreux. Vous trouverez l'imam Ahmed, vous trouverez l'imam Bukhari, vous trouverez l'imam Abu Daoud, vous trouverez l'imam Abu Zura al-Razi, vous trouverez Abu Hadi al-Razi, vous trouverez Yahya ibn Ma'in, Abdurrahman ibn Mahdi, quelques dizaines de savants à travers toute l'histoire. Car c'est facile de parler d'un hadith faible lorsque la cause de sa faiblesse est claire. Un tel, il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Tel rapporteur, il est fait ça. Et lui, tout le monde peut comprendre. Mais lorsqu'on ramène un hadith dont la chaîne de transmission est apparemment authentique et qu'on dit Al-Bukhari qui nous dit Al-Hadith Daif, c'est là que c'est la mouvance de la subtilité de cette science. Et le lama, il y a trop long. أن هذا العلم علم العلم وأقرب إلى الجنون منه إلى العلم c'est-à-dire c'est plus proche de la ils ont dit de la folie que de la science يعني المحدثين tel hadith on lui pose la question dessus et après la hadith ضعيف l'étudiant il comprend pas. Il a des connaissances de la science du hadith, il ne comprend pas, la chaîne de transmission elle est claire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rend vers un autre hadith. Il est parti voir par exemple Abu Zura, il lui a dit le hadith il est fait. Il va voir par exemple Ali ibn Mahdi, il va lui dire la même chose. Il va aller voir ensuite Ibn Mahdi, il va lui dire il est fait. Ils vont tous être d'accord pour dire qu'il est fait, malgré que la chaîne de transmission est apparemment. Elle est authentique. Donc, on trouve que très peu de personnes qui ont parlé sur cette science. Et on va en parler, il y a également l'auteur va le reciter dans le poème, on en parlera plus en détail avec des exemples. C'est là, Naïla. Achat Torah Amir, El Adana. يرويه عنه ضابط عن مثله معتمة في ربطه ونقله العدالة يعني وصف لأخلاقه وصف لأخلاقه في البداية تحدثنا عن أوصاف عامة بالأسد والوجود الآن ننتقل إلى أوصاف أهواء الوصف الأول أن يكون الراوي عدلا ونعني بالعدالة صفة تبعث صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة صفة تبعث صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة وكيف أروح أغني de caractéristiques liées à la chaîne de transmission quand on a été simple, ou bien le fait qu'il n'y ait pas de cheveux, ou bien là, ici on va parler du narrateur lui-même, comment doit-il être. La première condition, c'est l'adala. L'adala, on pourrait traduire ça par l'intégrité. Il faut que le narrateur soit intègre. Et l'intégrité comporte deux choses. Moulaz, la tout à quoi, ou elle me المروءة التقوى c'est le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les péchés الكافر. الكافر لا تقبل روايته. ليس بمتقي وليس مسلم أصلا. وهذا في الأدب. يعني عندما يروي. ولكن قد يسمع ويتحبل وهو في حالة كونه كافرا. فالإنسان يكون كافرا ويسمع أخبارا عن المحدثين ثم يسلم ويصبح من المتقين فتقبل روايته. كذلك الصبي. الصبي لا يكلم ان يحدثه حتى يبلغ، ولكن الصبي قد يسمع اشياء في صغره، يسمع الحديث ثم يرويها عندما يبلغ. كذلك مثلا المجنون لا تقبل، لا تحمل وراء الروايه. فالملازمه تقوى في وقت الروايه. ويخرج كذلك الفاسق. والفاسق هو الذي يرتكب كبائر الذنوب او يصوم على الصغائر. هذا هو الفاسق، ان يرتكب كبائر الذنوب او يصر على الصغائر. ولهذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. امر الله تبارك وتعالى بالتبين في خبر الفاسق، فعلم ان خبره غير مقبول. Donc la première chose que comporte l'adala, l'intégrité, c'est le fait d'être pieux. Ce qu'on appelle taqwa. Taqwa, c'est le fait de mettre en application ce que l'on a ordonné de faire et de délaisser ce que l'on a ordonné de faire. إذن قلنا العدالة هي صفة تدبر صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. المروءة يمكن أن نعرفها بأنه هو التحلي بجميع العادات. جميع العادات المروءة صفة تطبيقي les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Donc ce ne sont pas des choses religieuses, ce sont des comportements. Donc ce n'est pas le fait de délaisser l'obligation, de faire une chose illicite. À ce moment-là, on rentre dans un taqwa. Mais ici, le mot aura, c'est plus un comportement personnel. Qui permettront d'adopter les belles pratiques. Voilà, mais le roi, Khad Badaria, Ali Hassad al-Azminati, Wa al-Amkina. On a fait un peu de la vie. Khad Yuraq wa al-Hassad, il va akala, puis cher. وقد لا يعد ذلك في مكان آخر في بعض الأماكن الذي لا يغطي رأسه فليس لطالب العلم. هذا موجود في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن هو أمر مقبول. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على مولاه نافع وهو يصلي بغير لقاء الراس، فقال له عبد الله بن عمر: اتخرج في الاسواق هكذا؟ قال: لا. فقال له: الله احق ان تستحي منه. فكان عبد الله بن عمر اخبره ان الخروج هكذا في الاسواق هو امر خادش لمروءته. وكان بعض المحدثين أنه يضاعف الراوي بسبب أنه رآه راكبا فوق بغل. المحدث لا يركب على مثل هذه الأمور، فكانوا يجرحون الرواة بسبب يعني خوارم المروءة. دونك المروءة كما قلنا سي لو فات de faire preuve ou bien de se parer des belles habitudes et des belles coutumes. Ce ne sont pas des choses illicites ou illicites. Par exemple, cela qu'on a dit peut différer d'un endroit à un autre et d'une époque à une autre. Donc, dans certains endroits, par exemple, on ne peut pas manger dans la rue. C'est très très mal vu. Si on mange dans la rue, dans certains endroits, c'est comme si on était en train de faire un crime dans la rue. Personne ne mange dans la rue. Et d'autres endroits, cela est accepté. Certains endroits également, l'étudiant en sciences religieuses a forcément la tête recouverte, soit avec une paniya, soit avec autre chose, soit avec une ayama. Et dans d'autres endroits, cela n'est pas demandé. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, un jour, il est rentré chez son domestique Nafi, qui était également son élève, ses plus grands élèves, et il l'a vu en train de prier. Il l'a vu en train de prier, la tête découverte. Après la prière, il lui a dit: Atakhruju ila souq ya kala, sortir ainsi au marché? Il lui a dit: non, quand je vais au marché, non, je vous coupe la tête. Il lui a dit: Allahu ahaqqu an yustahyina, on en mérite plus que l'on soit puni qu'on est arrivé. On comprend de cela qu'à un moment donné, on avait peur pour lui qu'il sorte ainsi au marché, en comprenant que cela est quelque chose justement qui allait avoir de l'impact sur ce qu'on appelle le mouroa. Le mouroa. Donc on a dit, mouroa, c'est pas une chose licite ou licite. C'est pas un mouhadif, il me semble, si je me souviens, c'est le Al-Ahash. Il avait vu un narrateur monter sur. Parana, C'est une... Une but. En train de galoper sur le but. Nous, on n'a rien à dire. Moi, il m'a critiqué à cause de cela. Il a critiqué à cause de cela. Achar tout le khamis. Bon, importe. يوصل الراوي الحديث كما سمع من الشيخ هذا هو الطبس أن تروي الحديث كما سمع من الشيخ والطبس ضبطان ضبط صدري وضبط الكتاب وضبط الصدر فهو ما سمعه في حافظته فحفظه في حافظته وأتقنه فلا يعرف عنه أنه كثير الخلل في مروياته والذي يحفظ عن ظاهر قلب الأحاديث يسمع الأحاديث عن شيخه يحفظها ويذاكرها ثم يرويها كما سمع هذا وضبط الصدر وضبط الصدر لا يعني انه لا يخطئ في حديثه فكل الائمه خفرت له اخطاء ولكن ان كان الغالب انه لا يخطئ فهو ضابط يعني الغالب هو خطاه قليل فيحكم له بأنه ضبط. وكان ضبط، ضبط سير وكان ساكن لابيتريس. لابيتريس. C'est-à-dire que la personne, elle rapporte le hadith comme elle l'a entendu de son cheikh. Toute personne dont tu as entendu, chaque professeur dont tu as entendu un hadith, ça n'est pas un hadith, c'est considéré comme un cheikh. Il y a deux sortes de dhabt. Ce qu'on appelle dhabt al-sadr et dhabt al-kitab. Dhabt al-sadr, c'est, on va dire, la mémorisation. La personne, elle maîtrise ce qu'elle possède dans sa poitrine. La personne, elle entend des hadiths dans les assises de tahdith et elle mémorise. Elle mémorise, elle révise, et lorsqu'elle doit elle-même rapporter des hadiths, elle les cite de mémoire. Elle les cite de mémoire. Et lorsque l'on qualifie un narrateur comme étant dhabit, cela ne veut pas dire qu'il ne se trompe jamais. Non. C'est-à-dire que les savants se sont rendus compte que ces erreurs étaient minimes. Que ces erreurs étaient minimes. Mais sinon, il n'y a aucun savant dans le hadith sans que il y ait eu des erreurs qui se sont glissées dans leur rapport au hadith. Alors, c'est un miroir dans ton kitab. ضبط الكتاب وهو أقوى الضبط لأن الحفظ يعني قد يخونك أما الكتاب في العالم سنكاتب أن يتقي ما يكتب فهو يكتب ما سمعه من شيخه ويحمي كتابه من أن يحرف ومن أن يكتب فيه غيره ويصونه عن الآفات مثلا الحشرات والسيول فثم يروي من كتابه والعلماء يحكمون أن فضل الكتاب أقوى خطأ من الكتاب أقل من الخطأ من الحفظ الثاني هو فضل الكتاب dans tout qui t'aime. Donc c'est la personne, donc elle entend les hadiths de ses professeurs et elle les écrit. Elle les écrit dans un livre. Et elle fait en sorte donc de prendre très soin à son livre. Donc, que personne n'y écrive à part lui. Que il n'y ait pas par exemple des insectes, termites ou autres qui viennent manger ce qu'il a pu écrire. Également, tout ce qui est humidité, donc il prend très soin de son livre, afin que donc les erreurs aussi n'y signent pas. Et donc ensuite, il rapporte ce qu'il a écrit dans son livre. Vous venez de le lavant? جرحها لأنه يسأل أنه فقط لا تتبعه يعني في الأذكر عبد الله يقول لهيعة واحترقت كتبه احترقت كتبه فبدأ يحدث من حيثه فكان يخطئ عبد الله يقول لهيعة الصغير إلى رابط الحديث de livres qu'il avait, et un beau jour, et elle l'a senti. Tous ces livres sont partis. Et donc il a commencé à réciter ou bien rapporter de mémoire. Mais les mohadithés se sont tous rendus compte qu'il y avait énormément d'erreurs dans ce qu'il rapportait de mémoire. Et de même, qui fait la réforme, même où on a pas envie de faire ses demandes. قد يكون بالامتحان لا بالمقارنة مع رواية الثقات رواية الأئمة en comparant avec les versions ou les récits des savants et qui les frisent le plus par exemple on va revenir à Hadith il a été rapporté par Malik il a été rapporté par les gens de Muhammad ibn Zayd, Muhammad ibn Salam, le grand imam. Et donc, on va comparer, on va prendre la version d'un tel, un autre, et on va comparer. Si à chaque fois, il est en concordance avec les versions, la imam, les savants de l'imam, droite.